Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Alexandre Rambeau. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Je tiens avant tout à remercier la NEF qui est le partenaire de ce podcast. La NEF, c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Et c'est un partenariat qui me permet tout au long de l'année de continuer à vous faire découvrir des personnes inspirantes comme Alexandre. Alexandre, vous êtes maître de conférence à AgroParisTech CIRED. Vous êtes chercheur associé à l'Université Paris-Dauphine et co-directeur de la chaire comptabilité écologique. Aujourd'hui, nous échangeons à distance et nous allons justement évoquer ensemble des pistes pour que les entreprises et l'économie se mettent à la hauteur des enjeux de notre siècle, d'indicateurs alternatifs qui permettraient de mesurer de nouvelles abondances, comme le dit Dominique Méda, et du prix qu'on peut ou pas donner au vivant dans son ensemble. Mais pour commencer cet échange, Alexandre, je vous pose la même question que je pose à tous mes invités. Imaginez que vous êtes dans un événement où vous avez des personnes que vous ne connaissez pas et vient cette question fatidique du « et toi » ou « et vous », qu'est-ce que vous faites dans la vie et qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là? Ça, c'est une bonne question parce que d'emblée dire littéralement que je fais de la comptabilité et de l'écologie en même temps, ça laisse toujours une marque de surprise. Et donc c'est vrai que j'ai tendance à dire pour bien expliquer que c'est comment faire rentrer les questionnements d'écologie dans la restructuration des modèles d'affaires et de façon générale de l'entreprise pour imaginer ce que pourrait être une société réellement écologique. Comme vous le dites, hein, quand on met dans la même phrase comptabilité écologique, on a l'impression de voir Jean-Claude Van Damme faire son plus beau grand écart. Et donc du coup, moi j'aimerais bien quand même remonter un tout petit peu en arrière dans le temps et vous poser la question de ce qui vous a amené à mélanger ces deux entités qui ne semblaient pas trop être dédiées l'une à l'autre. Oui, alors effectivement, je n'étais pas complètement prédisposé à aller là-dessus. Pour tout dire, je n'avais pas non plus une image extrêmement positive de la comptabilité. Donc, c'est pour ça que je suis d'autant plus content de témoigner de façon générale sur ce parcours et ce qui fait que j'en suis arrivé à la comptabilité. Parce que, à la base, je suis mathématicien et je viens vraiment d'un cursus de sciences avec un militantisme et une conviction écologique très forte depuis très longtemps. Je suis engagé même avant le début de mes études. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a un moment donné, par chemins de vie, je me suis retrouvé à m'intéresser de plus en plus à des questions d'économie pour savoir justement comment est-ce qu'on mettait en place un vrai changement de société et donc aussi un vrai changement d'économie relativement justement à ces questions d'engagement écologique. Et prendre ça au-delà même, entre guillemets, de pratique, c'est vraiment reconditionner les politiques économiques et les théories qui permettent en fait de déployer de nouvelles sociétés. Et puis de fil en aiguille, en fait, bah, j'en suis arrivé à me dire que bon, faudrait que je me forme, il faudrait que. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à me donc à Dauphine, en fait, pour tout dire, en économie et autres problématiques de gestion environnementale. Et j'ai eu la chance absolument énorme de rencontrer Jacques Richard, qui est devenu mon mentor, qui est un très grand monsieur, qui donc est professeur émérite à Dauphine, et qui justement, lui, avait entamé cette réflexion sur la comptabilité et l'écologie. Et il vient d'une analyse, justement, critique de la comptabilité. Il m'a fait découvrir ce qu'était réellement la comptabilité, l'envers du décor. Et là, ça m'a passionné, et je me suis rendu compte que la comptabilité, c'est pas mettre bêtement des chiffres sur tout, que derrière la comptabilité, il y avait une histoire, il y avait même une anthropologie, que ça accompagnait, que ça continue d'accompagner toutes les civilisations humaines, que c'est déterminant dans la compréhension des organisations humaines, et qu'en fait, c'est réellement la clé de compréhension de l'économie et de la façon dont nous organisons, et ça depuis l'Antiquité. Et donc, si il faut changer quelque chose, c'est justement cette colonne vertébrale qu'est la comptabilité. Et donc, c'est comme ça que j'en suis arrivé à comptabilité et écologie. Et si jamais on devait, j'aime bien poser cette question, Alexandre, parce que la présentation que j'ai faite de vous est tirée de LinkedIn, hein, ça marche très bien, tous ces termes, c'est très impressionnant. Et à la fois, bah, justement, j'aimerais vous aider à faire en sorte que la prochaine fois que vous vous présenterez à un inconnu, ça soit plus parlant. Donc du coup, si on arrêtait de réfléchir en termes de postes qui peuvent être ronflants ou d'être fondateur et chercheur, et initiateur un peu de cette civilisation qui me semble malheureusement trop axée sur cette idée de domination de puissance, comment on pourrait plutôt avoir un intitulé qui qualifierait l'objectif que vous visez à travers vos différentes missions? Est-ce que vous seriez comptable du vivant? Vous le diriez autrement? Non, alors surtout pas comptable du vivant. Je pense pas que déjà... Ça, c'est une tâche qui est déjà trop lourde. Et puis, je pense que vraiment ce qui m'a toujours animé, et c'est comme ça que je me définirais, c'est une périphrase, je ne trouve pas bien complètement le mot, mais plutôt un passeur de quelque chose. Et à la base, je suis musicien et en fait, essayer de composer un monde et recomposer un monde. Donc, un recompositeur. D'un monde où se sont complètement éclatés des problématiques économiques, des problématiques et des questions écologiques. Donc participer à la recomposition d'un monde. Et à la fois, j'ai l'impression que à travers la comptabilité, vous travaillez à redonner de la valeur à ce qu'il y en a vraiment. Est-ce qu'il y aurait pas ça aussi? Je vous dis ça parce que j'ai donné la parole il y a quelques mois de ça, même presque maintenant des années, à une personne qui s'appelle Joanne Boachon, qui travaille et en tant que valoriste, elle essaie de redonner de la valeur à des déchets du BTP. Et on a beaucoup tourné autour de cette notion de valeur. Alors elle redonne une vie à ces déchets. Vous êtes là pour questionner la valeur de l'économie en tant que telle et pour essayer de donner de la valeur à d'autres choses qui sont pour l'instant vues comme de simples ressources aussi. Est-ce qu'il y a cette idée de valeur qui pourrait être mise en avant dans votre intitulé? Alors j'avoue que je vais être honnête, je me méfie énormément de la notion de valeur, pour tout dire. Cette question de valeur, elle est utilisée beaucoup trop avec... c'est devenu un mot valise qui veut tout dire et rien dire. J'aurais tendance à dire, ce que j'aime bien, c'est un philosophe qui s'appelle Louis Lavelle, qui a fait un traité complet des valeurs et qui expliquait que la valeur, fondamentalement, c'est la rupture de l'indifférence. Et donc, à la rigueur, je préfère parler de justement cette rupture de l'indifférence en pointant du doigt en quoi devons-nous être indifférents. À quoi et envers quoi devons-nous être plus indifférents, en fait. Donc là, à partir de là, ça me parle plus. C'est-à-dire que, effectivement, c'est comment est-ce qu'on peut créer une non-indifférence au monde et être en mesure de la, de la mettre en œuvre réellement, cette non-indifférence au monde. Oui, moi j'utilisais le mot de valeur plutôt comme on le voit notamment utilisé par Oscar Wilde, hein, qui dit qu'on, je me rappelle plus exactement de la citation, mais dit qu'en gros on connaît le prix de tout et on sait la valeur de rien. Enfin, c'était un peu quelque chose comme ça qui opposait les deux. Et donc l'idée de, c'est vrai de mettre des étiquettes sur tout, et on en reparlera, hein, d'ailleurs de cette idée de donner un prix au vivant et pourquoi ou pas c'est pertinent. On va rentrer quand même dans le vif du sujet, Alexandre. Moi j'aimerais bien comprendre pourquoi la comptabilité elle doit être écologique. Vous en avez parlé très succinctement. Mais ça semble tellement un grand écart que je pense que ça mérite qu'on y revienne et que vous nous détaillez un peu plus le pourquoi et puis le comment. Oui, effectivement, voilà, je ne remets pas en cause, hein, le fait que c'est de prime abord un grand écart, et moi-même, hein, comme je le disais, j'ai eu d'abord cette vision de la comptabilité et de la comptabilité écologique. Mais ce qui se passe, c'est que déjà, il y a une problématique par rapport à ce qu'est la comptabilité et comment on la représente, et même comment on la, enfin les a priori qu'on peut avoir dessus. C'est-à-dire que la comptabilité, ça a été pendant très longtemps quelque chose de politique, ça a été quelque chose qui était d'ailleurs rattaché aux études sociologiques. Vous avez un grand sociologue, Max Weber, enfin même plus grand sociologue, qui a énormément travaillé sur la comptabilité, c'est pas pour rien. Par exemple, Proudhon, des fondateurs du socialisme libertaire, qui était lui-même comptable et a axé une énorme partie de ses propositions sur de la comptabilité, justement. Et donc, il y a une vraie tradition politique autour de la comptabilité qui a été progressivement abandonnée pour en faire quelque chose de très, très, très édenté, très. Dépolitiser, ramener à la comptabilité, c'est un enregistrement de chiffres avec des gens, on ne sait pas trop ce qu'ils font, et au final ça conduit à soit d'un côté faire simplement des exercices de fiscaux, soit d'un autre côté promouvoir le profit surtout. Et donc ça, c'est quelque chose en fait d'assez récent, cette représentation complète de la comptabilité. Encore une fois, la comptabilité, c'est la définition que j'aime bien en donner, c'est l'architecture des activités humaines organisées. C'est-à-dire que, c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de plan de compte. L'architecture, c'est ce qui permet en fait à un bâtiment de tenir debout. Et au final, on voit sans voir ce qu'un architecte a fait. C'est-à-dire qu'on voit bien que voilà, les murs ils sont posés d'une certaine façon, il y a des éléments... qui sont dans un certain ordre, mais on n'a aucune idée en fait de comment tout ça s'est mis en place. On n'a aucune idée de la construction, des plans de construction, de tout le processus. Et c'est la même chose avec la comptabilité. La comptabilité, elle est là pour faire en sorte que des organisations humaines, pas que des entreprises, hein, toutes les organisations humaines, il y a des comptabilités au niveau des organismes publics, des ONG, de la nation, comptabilité nationale, même on fait des comptabilités au niveau des systèmes d'acteurs sur les écosystèmes. Donc tout ça, en fait, comment est-ce que ça permet de faire tenir debout ces activités organisées, et comment est-ce que tous les éléments se mettent en œuvre pour que, au final, on arrive à faire ce qu'on veut faire, quelles que soient les finalités. C'est-à-dire que c'est pas l'architecte qui va dire on construit plutôt un pavillon qu'une tour. Ça, il y a des donneurs d'ordre derrière. Mais par contre, il va faire en sorte qu'on puisse construire l'un ou l'autre. C'est la même chose, la comptabilité, elle n'est pas là en train de dire on va créer une multinationale qui est hyper financiarisée ou on va créer une entreprise de l'ESS. Par contre, la question c'est comment ça tient debout. Et donc, à partir de là, ça permet un peu mieux, je pense, de comprendre l'enjeu de l'écologie derrière et de la comptabilité écologique. C'est maintenant, il va falloir qu'on fasse tenir debout des organisations qui véritablement tiennent compte, et le mot est bien là, tiennent compte, prennent en compte des éléments qu'on a ignorés, qui sont donc des éléments sociaux, des éléments environnementaux. Donc on compose avec des entités naturelles et des êtres humains, mais pleinement assumés, c'est-à-dire au-delà du simple achat du travail, en fait. Ma question est suivante était de dire, mais vous parlez de comptabilité écologique et en fait, là, vous venez de parler de facteurs humains, d'éléments sociaux, politiques. Donc, c'est vraiment une comptabilité. C'est pour ça, tout à l'heure, que j'utilisais le mot du vivant dans son ensemble. Si on part du principe que l'humanité aurait réussi à reprendre sa place parmi le vivant. Et donc, du coup, c'est qu'on mesure l'humain, l'écologie... quand on en fait la séparation, comment on peut mesurer ça? Ça, c'est peut-être un peu plus technique, mais sans trop se perdre dans les détails, j'aimerais comprendre comment, en fait, on peut se retrouver avec, d'un côté, des chiffres économiques et d'un autre côté, des équivalents ou en tout cas, une manière de quantifier le vivant. Et puis, je vous prépare déjà... Ma prochaine question, ça sera justement, en fait, jusqu'à quel point c'est un piège. On le voit, il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent quantifier les services écosystémiques. On voit Emmanuel Faber en ce moment qui prend beaucoup la parole sur ces sujets. J'aimerais voir jusqu'à quel point c'est un leurre, un risque et une manière pour le capitalisme de tout ravaler. Mais ça sera ma prochaine question. Oui, alors en fait, là aussi, la question de la quantification dans la comptabilité, c'est une très vieille question. Quand je dis très vieille, hein, c'est depuis l'origine de la comptabilité, c'est la Mésopotamie. Et pourquoi je parle de ça? Parce que ça me semble être un point essentiel pour comprendre ce que ça veut dire un chiffre en comptabilité. La comptabilité, elle a été créée en Mésopotamie, à peu près en moins 8000 ou moins 9000, hein, au moment de l'Néolithique, alors qu'il n'y avait pas de système de comptage, au sens où on l'entend. C'est-à-dire que la comptabilité s'est déployée alors qu'on ne savait pas réellement compter. Et ça peut paraître vraiment paradoxal, mais il se trouve que, véritablement, le but de la comptabilité n'est pas, a priori et en soi, d'abord de compter. C'est un historien de la comptabilité, qui s'appelle De Roover, qui expliquait, quand on fait une analyse historique des systèmes comptables, la comptabilité, sa définition, c'est mettre des choses dans des cases, et tout le problème, c'est quelle chose est dans quelle case. Et c'est pour ça que je parlais d'architecture, c'est que, un architecte qui va devoir compter, il va devoir, par exemple, dire une poutre, ça mesure tant, etc. Mais le chiffre n'est jamais ce qui va guider sa réflexion. Ce qui lui importe, c'est d'avoir des éléments particuliers et donc savoir ce qu'il doit prendre en compte pour savoir comment l'organiser. Et c'est sa nécessité d'organiser qui va l'amener à quantifier quelque chose. Alors, j'insiste là-dessus parce que ce qui se passe, c'est qu'on a un retournement de cette problématique ces dernières années. On assiste en fait à des comptabilités qui émergent, qui ne sont pas de réelles comptabilités, qui sont uniquement des systèmes d'enregistrement, de quantification, de valeur. Et ça, c'est pas réellement la comptabilité. C'est exactement la même chose. Je continue cette métaphore avec l'architecture, de dire un bâtiment, en fait, pour le faire, il suffit de vous donner un chiffrage de tonnes de béton. Et à partir de là, vous avez un process ingénierique qui va vous le faire. Point. C'est pas du tout de l'architecture, ça n'a rien à voir. On peut pas résumer ça à ça. Ben, c'est la même chose avec la comptabilité. Et donc, pour le dire encore plus clairement, la question de la mesure, quand on arrive sur les enjeux écologiques, ne se pose pas directement en termes de qu'est-ce qu'il faut quantifier? La question, c'est pourquoi faut-il quantifier? Et qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Donc, la première question, c'est qu'est-ce qu'on doit prendre en compte et comment on doit le représenter? Donc, ça, c'est la question fondamentale de la comptabilité. Et donc, déjà, est-ce qu'on prend en compte des écosystèmes en tant que tels, avec ce qu'on peut appeler une valeur intrinsèque? Ou est-ce qu'on prend en compte, en fait, ce que les écosystèmes nous apportent aux êtres humains et donc ce qu'on appelle les services? Donc déjà, ça conduit à deux systèmes de représentation différents et donc deux éléments avec lesquels il va falloir composer. Et c'est à partir de là qu'il va y avoir la mise en évidence de certaines grandeurs à mobiliser. Mais c'est pas l'inverse. Et donc, ce que je défends, c'est qu'à partir du moment où vous voulez vraiment prendre en compte donc les écosystèmes, le vivant, les êtres humains, vous ne pouvez pas simplement les résumer à ce qu'ils apportent comme service productif. Et dans ce cadre-là, ça conduit, hein, mais vraiment par quasiment un processus quasi déductif, à l'idée que, du coup, si vous voulez représenter ça, vous ne pouvez pas les mesurer, les intégrer par de simples quantifications comment dire, une représentation par de simples indicateurs. Vous devez vous intéresser à la complexité même de ces écosystèmes. Et que derrière, si vous voulez, en fait, pour des besoins justement d'action, arriver à faire un couplage avec des questions en euros, ça doit se faire sur la base de ce que ça coûte de mettre en place des activités pour garantir la préservation des écosystèmes. Donc c'est pas en fait une quantification de l'écosystème, c'est une interrogation sur je m'intéresse, je veux réellement prendre en compte un écosystème. À partir de là, si j'assume cette prise en compte et cette redevabilité que j'ai vis-à-vis de l'écosystème, ça implique des activités spécifiques. Et c'est ça que je vais chiffrer. C'est ça vers quoi je vais tendre, en fait. J'ai besoin qu'on atterrisse, Alexandre. Partagez-moi peut-être un ou deux cas d'entreprises qui auraient appliqué ces principes et quelle transformation, quel changement ces nouveaux principes de comptabilité éco-sociétale, quelle transformation, quelle mutation ça a généré. Donc là, on en est à peu près une trentaine de missions, donc auprès d'entreprises diverses et variées. On travaille par exemple beaucoup avec le secteur agricole, mais pas que. Et vous avez actuellement à peu près quatre opérateurs qui sont donc des cabinets ou des ONG qui sont en mesure de proposer la mise en place de CARE. Et donc, pour donner un exemple parmi d'autres, là, sur ce qu'on fait concrètement donc dans le cadre de mission, on a une entreprise à la Réunion qui est une entreprise, alors pour le coup, donc privée, qui a une partie de délégation publique, qui, grâce à CARE, va pouvoir complètement recomprendre son modèle d'affaires, c'est ce qui est en train d'être fait, pouvoir avoir un autre regard sur son activité pour pouvoir avoir une autre analyse justement de son activité, en prenant en compte le fait que si donc elle intègre dans son modèle d'affaires justement la prise en compte de la préservation des écosystèmes, ça conduit à quoi ? Ça conduit à quoi en termes d'analyse de ce qu'elle fait sur les écosystèmes, d'analyse de en quoi ces écosystèmes participent à sa production de valeur et quels sont les coûts attenants qu'il va falloir prévoir pour garantir la préservation des écosystèmes. Donc, qu'est-ce que ça va faire comme diminution du profit? Qu'est-ce que ça va faire comme création de nouvelles dettes écologiques, etc., etc. Donc, tout ça, en fait, conduit progressivement déjà à avoir déjà une autre image de ce que l'on est en tant qu'entreprise, premièrement, d'une autre représentation de son lien à l'environnement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui apparaissent même en dehors d'une question de chiffrage. Il y a la question de, on n'avait pas réalisé en fait qu'on avait ce niveau d'impact. On n'avait pas réalisé qu'on employait l'environnement de cette façon, etc., etc. Et puis à partir de là, de prendre conscience des efforts que tout cela fait, de prendre aussi conscience qu'il y a déjà des choses qui ont été potentiellement engagées, mais qu'on n'avait pas mis en évidence parce que ça passait dans tout le reste, c'est-à-dire qu'il y a des actions hein, que les entreprises, notamment celles-là, mettaient déjà en place, mais qu'elles n'arrivent pas bien à identifier comme une activité complètement positive pour l'environnement, ça passait comme un coût classique. Donc du coup, ça permet de mieux le mettre en évidence et de tisser un autre dialogue aussi avec les partenaires de cette organisation qui peuvent donc mieux voir en fait son implication aussi dans les questions sociales et environnementales. Est-ce qu'on peut, Alexandre, pardon, mais on arrive à un peu mieux cerner l'impact de ces transformations et à la fois, ça reste encore un peu flou. Est-ce que vous parliez, par exemple, du fait que de plus en plus d'organisations agricoles utilisent ce système? Est-ce qu'on peut rentrer vraiment dans le détail très concret avec des choses tangibles, visibles? On parle à des personnes là qui ont, en fonction de ce qu'on dit, des images qui s'affichent ou pas dans la tête. J'aimerais leur donner le plus de netteté possible à ces images. Est-ce que vous pouvez encore atterrir d'un niveau, s'il vous plaît, sur les exemples que vous donnez? Vous avez donc là, sur un terrain viticole, la question de, voilà, on prend au sérieux, on prend en compte vraiment le sol en tant que tel. La première question va être de dire, ça veut dire quoi de préserver un sol? Donc il va falloir s'interroger sur la définition de ce qu'est le bon état écologique du sol. Quels sont les En fait, les indicateurs, alors en fait, on va parler de traducteurs, c'est-à-dire un certain nombre soit d'indicateurs, soit de marqueurs biophysiques, par exemple, ça peut être des vers de terre, ça peut être des animaux divers et variés de ce type-là, qui vont être en fait des marqueurs de l'état du sol. Donc il y a un premier travail, qui est un travail comptable justement, de comprendre comment on traduit littéralement le bon état du sol. Alors sachant qu'on va s'appuyer évidemment sur des travaux scientifiques, largement, mais qu'il n'y a pas de convention à l'heure actuelle sur ce qu'est un bon état écologique du sol, ce qui est un gros problème d'ailleurs. Donc là-dessus, on est obligé de, à partir de travaux scientifiques, à partir de débats avec actuellement des écologues, des spécialistes du sol, de dire on peut prendre ça comme base. En ouvrant d'ailleurs une discussion avec un certain nombre d'acteurs sur, ça serait bien quand même qu'on réglemente, qu'on pose des normes sur les bons états écologiques du sol. Donc on commence comme ça, on pose une base, et à partir de là, on va regarder toute l'activité de l'entreprise. Donc on prend notamment ce qu'on appelle son itinéraire technique, donc tout ce qui se passe dans l'entreprise, et on va regarder activité par activité comment le sol est littéralement employé, donc comment il est utilisé. Donc il peut être employé parce que vous allez planter la vigne, simplement la vigne elle est plantée, donc il est employé pour nourrir la vigne. Il va être employé parce qu'on fait passer en fait des êtres humains, on fait passer des tracteurs, on fait passer des enjambeurs exactement. Donc il est employé comme support des activités. Et puis il est employé aussi parce que quand on passe des produits phytosanitaires, il y a des produits phytosanitaires qui passent dans le sol. Donc il est employé littéralement comme entreposage de polluants. Et donc on va avoir un travail précis sur comment il est réellement employé. Et de mettre en évidence que chaque type d'emploi conduit d'un côté à créer, participer à la création des produits de la vigne, bon là pour le coup des raisins, et donc permettre à l'agriculteur de vivre, et de l'autre côté que ce même emploi du sol, c'est ce qui contribue à la dégradation du sol. Donc pour chaque emploi du sol, on va mettre en évidence des indicateurs d'impact sur le sol, et pour chaque impact, voir quelles sont les activités nécessaires qui doivent être envisagées pour permettre que malgré cet impact, on revienne à un bon état écologique du sol. Donc ça, on va l'intégrer sous l'angle de ce qu'on appelle une dette écologique. Et progressivement, on va faire ça régulièrement, pas forcément au jour le jour, mais donc on suit l'activité. Et puis, quand on arrive en fin de période, on fait un bilan, une période comptable, on regarde ce qui a été vraiment passé comme activité donc de préservation du sol, ce qui ne l'a pas été, donc on fait un bilan de ça. Et à partir de là, on est en mesure de produire un bilan et un compte de résultats concrets où vont apparaître à la fois des informations directement lisibles sur... on devait passer tant d'activités de préservation et on en a passé que tant. Donc il y a un écart, donc il reste une dette écologique. On va pouvoir voir en fait quels sont les différents types d'emploi du sol et en quoi ça a participé donc à la création de valeur pour l'exploitation. Et on va pouvoir voir aussi ce que l'entreprise donc a mis en place comme dispositif pour essayer de moins employer le sol, etc., etc., etc. Donc c'est ce genre de choses qui va... il y a tout un processus méthodologique avec une restructuration des indicateurs, une restructuration du contrôle de gestion qui va conduire à poser une autre vision à la fin du bilan du compte de résultat et des performances qui sont associées, donc de l'analyse de performance. Philosophiquement, en fait, ça pourrait nous permettre de sortir de ce piège dans lequel nous sommes qui nous pousse à faire le moins de mal possible pour même un jour oser essayer de faire mieux et d'avoir un impact positif. Alors la question de l'impact positif, alors merci pour cette question parce que c'est partie des interrogations qu'on a régulièrement sur oui mais est-ce qu'on peut pas aller vers un impact positif? Alors, j'ai toujours un peu de difficulté avec cette notion d'impact positif, parce que si je continue par exemple sur les sols, qui est un très bon exemple, on a quand on présente donc tout ce dispositif, toute cette réflexion, etc., on a régulièrement donc des interpellations en disant oui, mais moi sur le sol, je fais des choses qui contribuent au sol. Et ça on l'entend très très très souvent. Le problème, c'est que si tout le monde, enfin si c'était vrai tout le temps, en fait, il n'y aurait pas de problème de déplétion de sol. C'est bien qu'il y a quelque part, il y a un truc qui se passe qui fait que ça ne va pas. Enfin, et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que une large part de ce qu'on va appeler un impact positif, c'est en fait un petit plus pour vraiment un océan de moins. Et que ce qu'on dit, c'est que déjà, si on pouvait garantir le maintien de tous les bons états écologiques des écosystèmes, ce serait déjà monumental. En fait, on aurait déjà en fait la capacité d'être dans une économie qui soit réellement écologique et soutenable. Et donc l'impact positif, c'est-à-dire d'aller au-delà du bon état écologique d'un écosystème, là, c'est encore une autre question. Mais je dirais, c'est pas OK, mais c'est la marche est malheureusement déjà énorme pour arriver simplement à préserver les bons états écologiques. Pour donner un exemple très concret, pour le climat, le bon état écologique du système climatique, on l'a. C'est l'accord de Paris. Donc l'accord de Paris dit au niveau planétaire, il faut qu'on soit à moins de 2 degrés. On sait que pour l'instant, on n'y est pas. Donc parler d'impact positif pour le climat, non, ça c'est faux. Il n'y a pas d'impact positif pour le climat pour l'instant. La seule chose que l'on peut faire et qu'on essaye de garantir, et c'est vraiment difficile, c'est respecter le bon état écologique des systèmes climatiques. Et donc, c'est faire en sorte que les impacts négatifs que nous ayons soient, à minima, justement, contrecarrés. Merci Alexandre pour cette présentation. On a mis un peu de temps, un peu plus de temps que ce que je vous laisse pour atterrir sur du concret, mais finalement c'était vraiment vraiment passionnant. Merci. On va faire le travail de partir en 2030 glorieuse et d'imaginer tout ce qu'on aurait pu réussir et grâce à cette imagination, grâce à ces nouvelles boussoles qu'on utilise pour la faire advenir hein, cette société plus durable et solidaire, sans pour autant renier le fait qu'on a encore énormément de travail et plein de choses à endiguer, à limiter et contre lesquels lutter. On va voyager dans ces 2030 glorieuses où on sent quand même qu'il y a un vrai changement qui a été réalisé au niveau sociétal et au niveau des objectifs de la société et des moyens de la mesurer. Et ça, j'ai hâte de vous entendre à ce sujet. Et aujourd'hui, Alexandre, pour la première fois de l'histoire du podcast, c'est moi qui vais lire un passage d'un extrait d'un roman qui me tient particulièrement à cœur, puisque vous n'avez pas réussi, vous, à trouver un passage d'une histoire, d'un récit qui comportait des morceaux des 2030 glorieuses que vous vouliez mettre en avant, et donc vous m'avez offert la possibilité de jouer le jeu, ce que je n'avais jusqu'à présent jamais fait, et donc je suis très content de vous lire un extrait de La part cachée du monde, qui est édité par la maison d'édition La Mer Salée et écrit par Ève Gabriel. L'escalier s'enfonçait dans la terre. Sienne descendit 3 marches avant de s'arrêter net. Vincent se cogna contre sa sœur. Elle avança et il put admirer le spectacle. Devant eux, une large baie vitrée s'ouvrait au-dessus du vide. Elle donnait sur un vaste puits de lumière d'environ 25 mètres de diamètre. Ils reculèrent avec la sensation de vertige. 7 mètres plus bas, une terrasse de bois, ronde et verdoyante, tapissait le fond. Ils se trouvaient au deuxième étage, ou plutôt au premier sous-sol, de ce qui ressemblait à une confortable maison souterraine organisée autour d'un axe circulaire sur une dizaine de mètres de profondeur. Les vitres, semblables à celles qui composaient l'héliodôme, encerclaient la terrasse sur toute la hauteur de la maison. Les verrières des maisons enterrées de la cité captent le jour bloqué en surface et le guident vers les étages inférieurs. Ce jeune miroir astucieux nous éclaire même quand il pleut. Avec du soleil, vous verrez, c'est une cathédrale de lumière. L'effet devient magique. Il y a 176 fenêtres exactement, précise l'agent, qui se tenaient plus bas. Elles éclairent l'intérieur de haut en bas et captent l'énergie de la lumière. La fabrication des maisons souterraines est la spécialité des habitants de la Cité Libre. Le berger désigna le cercle de ciel bleu. Sienne leva les yeux. La maison est totalement invisible pour les satellites. Et surtout, elle reste au chaud l'hiver et au frais l'été grâce aux propriétés isolantes de la Terre. Nous habitons là pendant les canicules et les tempêtes. Quand il fait 47 degrés en surface comme l'été dernier, la température du sol à 3 mètres de profondeur varie entre 15 et 17 degrés, ce qui nous permet de garder les pièces de la maison à 20 degrés, sans dépenser aucune énergie. Suivez-moi. Arrivés au troisième sous-sol, ils débouchèrent sur le jardin au fond du puits. Il faisait froid, mais moins qu'au niveau de la terre. De là où ils se trouvaient, l'extérieur ressemblait à une lune de ciel encerclée d'épines. Tout autour d'eux, les 176 fenêtres de la maison souterraine formaient une spectaculaire mosaïque de verre. « Venez, je vais vous conduire dans la bibliothèque de la cité. » Le petit groupe traversa le jardin jusqu'à une large porte de verre. Au-dessus de l'entrée, ils lurent en lettres de bois sculptées « La brebis qui lit ». Autrefois, la librairie était installée dans l'ancienne bergerie du marché de Montredon. Mais la collection a grossi et certains livres sont tellement précieux que nous avons fini par créer cette bibliothèque aux racines. Allez, on y va ! La baie vitrée glissa en silence. Ils pénétrèrent dans une vaste pièce courbe, l'odeur du bois saisit Sienne sur le seuil. Les lattes irrégulières du plafond couvertes de nœuds semblaient provenir de différents meubles recyclés. Leurs étranges yeux bruns suivaient les faits et gestes des visiteurs. Une belle terre brune tapissait le sol. Sienne se baissa pour la caresser. C'est la terre crue du Larzac. Vous en verrez partout dans la Cité Libre. Nous déconstruisons une partie des maisons du monde d'en haut pour les reconstruire sous terre. Nous réutilisons tout. Les pierres, les planches, les vitres et les lauzes, les fils électriques, les tuyaux et le mobilier. Nous utilisons aussi les matériaux naturels comme la terre ou les fibres végétales. Nous suivons l'exemple des renards, des loups et des lièvres. La cité se fait discrète pour rendre le cos à la vie sauvage. Ça y est, Alexandre, en 2030 glorieuse, on a réussi à changer de boussole. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui, elles, sont tristement restées en 2022, on va avoir le travail d'être les plus précis, clairs, nuancés possibles, de manière à leur donner à voir ce qu'il y a devant nos yeux. On parlait tout à l'heure d'indicateurs de comptabilité écologique qui en étaient à ses prémices. Moi, j'aimerais que vous me racontiez où elle en est, cette comptabilité écologique en 2030 glorieuse, et comment elle a réussi à s'imposer comme une nouvelle norme. Oui, ben voilà. Si dans ce cadre, on est à un moment donné où justement, grâce à ce nouveau type de comptabilité écologique, en fait, on est vraiment en mesure de mettre en place de nouveaux types de modèles d'affaires, et ça permet en fait de s'interroger sans mal, sans difficulté, sur la réalité de la croissance. Sur la réalité des poursuites des organisations. Et tout ça, justement, à chaque fois, en étant totalement en raccord avec notre lien aux êtres humains et notre lien au vivant. Ça permet d'enlever un poids, d'une certaine façon, en disant, bon, voilà, on a réussi à se reconnecter. Maintenant, on met en place des organisations. On s'interroge sur il faut arriver à faire que ces organisations permettent aux gens de vivre, mais justement on va pouvoir avoir une grille de lecture où permettre des gens de vivre ne remet pas en question non plus notre lien au vivant. En fait, vous dites, Alexandre, que ça a enlevé un poids, je dirais même mieux que ça a levé le voile, hein. Ça a été un grand exercice de transparence, en fait, hein. C'est ça, exactement, un grand exercice de transparence et un exercice aussi pour éliminer des choses qui nous plombent énormément, comme cette ce recours à la notion de croissance permanente, ces choses en fait qui sont pas utiles, mais qui conditionnent une certaine façon de penser et qui du coup en fait font pas mal de mal, même y compris dans la pensée de l'entreprise en fait. Alors on va revenir sur la notion de croissance forcément et de tous les indicateurs qui ont été inspirés par cette comptabilité écologique pour mesurer les nouvelles abondances. Mais avant ça, moi je pouvais pas m'empêcher d'évoquer avec vous toutes ces grandes entreprises qui, il y a 10 ans en arrière, pouvaient faire feu de tout le greenwashing possible parce que en fait leur impact social et écologique il tenait à simplement du déclaratif, alors que aujourd'hui cette grande transparence, elle a montré en fait la triste réalité et à quel point il y avait du cynisme dans leurs actions. Qu'est-ce qu'il est devenu de ces grandes entreprises et comment elles ont réussi à ne pas trop accuser le coup, parce que là ça change, ça fait drôle quand même. Oui, complètement. Là on a été obligé d'un côté de voir ce à quoi il fallait renoncer. Là je me permets de reprendre les termes de collègues de l'Origins Lab à Clermont-Ferrand, avec justement cette notion de renoncement. Donc ils ont accepté de renoncer à certaines choses, et puis sur d'autres choses, de se repositionner, de réorganiser certaines choses. Donc là aussi, ça a été difficile dans un premier temps, mais après, ça a enlevé un poids encore une fois. C'est plutôt très positif. On arrive à quelque chose où c'est vraiment un assainissement, y compris de l'économie, et y compris, en utilisant un mot, mais qui est important quand même, un assainissement même des marchés, en fait, sur lesquels ces grandes entreprises sont. Je dirais même un assainissement aussi du marketing, de la communication, de la publicité, puisqu'en fait, c'était des milliards et des milliards qui étaient justement dédiés à créer des envies, des besoins qui, en fait, n'avaient pas de sens, et puis à mettre sous le tapis justement tout ce qui ne voulait pas être avoué. Et là, maintenant, la meilleure publicité, c'est justement cette transparence. Hein. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de partir dans des communications complètement exubérantes pour faire avaler des couleuvres. Les choses sont beaucoup plus claires, et donc il suffit de revenir à une communication assez standard, je vends un produit, je vends quelque chose, et point, quoi. Et donc la meilleure publicité, la meilleure communication en 2030 glorieuse, c'est le bilan comptable évolué ? C'est sûr. Là, je veux dire, pour arriver à faire en sorte que on puisse renouer un lien, et que ce lien a été renoué avec les consommateurs, l'ensemble des citoyennes et citoyens, tous les acteurs économiques et les acteurs engagés. De toute façon, c'est effectivement la comptabilité écologique qui est essentielle. Justement, on parlait tout à l'heure du politique. Moi, j'étais très curieux de savoir comment les pouvoirs publics ils pilotent mieux l'économie française grâce à cette nouvelle comptabilité. Quels ont été les nouveaux leviers à leur disposition ? Et j'aimerais forcément, si on évoquera sans doute les leviers punitifs, qu'on pense aussi aux leviers incitatifs qui sont ouverts par cette nouvelle comptabilité. Oui, les pouvoirs publics, ça leur donne une base pour repenser la comptabilité nationale, pour repenser la question, on va dire, de la richesse, au sens très large du terme, de l'État, enfin d'un État, d'une nation plutôt, d'une nation. Puisqu'à partir du moment où vous avez ces éléments-là qui sont communiqués par les entreprises, il suffit maintenant de les agréger pour avoir une vraie compréhension de la richesse d'un État. Donc les pouvoirs publics, là aussi, ça lève un énorme voile, ça enlève un poids par rapport à ces questions de comment est-ce que véritablement on situe ce qu'est la richesse d'une nation d'un point de vue écologique. C'est déjà énorme, et du coup ça permet après à l'État de mieux, actuellement, il permet de mieux financer, de mieux subventionner, de mieux cadrer des exercices d'accompagnement des entreprises, les organisations au sens large. Et comment alors ? Parce que je le disais tout à l'heure, j'imagine tout à fait les leviers punitifs de taxation qui seraient graduellement, en allant voilà, de plus en plus, en étant de plus en plus élevés pour les plus grands pollueurs. Quels autres leviers pourraient être utilisés par les pouvoirs publics justement et jusqu'à quel point on pourrait inclure aussi les citoyens dans cette démarche? J'imaginais une sorte de nouvel éco-score grâce à la comptabilité écologique ou d'autres choses peut-être que vous pouvez nous raconter? Bah, sur les incitations, en fait, c'est permettre de mieux savoir comment amener des subventions, donc et d'accompagner par des subventions un certain nombre d'acteurs. Alors, par exemple, on parle dans les exploitations agricoles sur des aides qui peuvent vraiment être conditionnées à des questions écologiques. Maintenant, ça devient possible grâce à la comptabilité écologique. Ça permet aussi, avec la comptabilité écologique, de penser tout un tas de dispositifs qui existent, hein, enfin, qui ont existé historiquement dans la comptabilité financière. Je vais donner un exemple très rapide, c'est la notion de, c'est un terme technique, mais de suramortissement, c'est-à-dire de faire en sorte que les entreprises qui investissent dans des dispositifs qui sont moins impactants sur l'environnement aient un gain en termes de calcul de leurs résultats fiscaux. Donc au final, qui paye moins. Et ça, c'est quelque chose qui est très utilisé justement pour favoriser des incitations à investir dans telle ou telle chose. Et donc, voilà, la comptabilité écologique permet de vraiment créer ces incitations en diminuant donc le résultat fiscal du fait de ces investissements. Donc, on a une batterie de techniques, hein, qui peuvent être complètement maintenant, je dirais, complètement et correctement assis sur la comptabilité, c'est-à-dire qu'on est déjà, on n'y va pas au doigt mouillé. Et puis deuxièmement, on peut avoir tout un tas de voilà d'éléments qui sont utilisés de façon générale par les États dans leur politique fiscale, c'est-à-dire qui s'est assis sur la comptabilité. Donc avec ces questions donc de suramortissement, ça peut être aussi un meilleur fléchage de la TVA, donc diminuer la TVA pour des activités qui sont écologiquement visibles via la comptabilité écologique, etc., etc., en fait. Donc ça, c'est des incitations très fortes. Et tout à l'heure, on en parlait, hein, cette comptabilité qui remet à sa place l'économie et qui lui redonne un peu l'humilité dont elle avait besoin en 2030 glorieuse, ça a déclenché un grand appel d'air l'avènement de nouveaux indicateurs aussi qui aujourd'hui permettent de mesurer les nouvelles abondances. À l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Alexandre, le président de la République était salué en fonction de sa capacité à faire croître le PIB et de le faire rester au-dessus du niveau de zéro, puisque en 2020 déjà c'était pas évident. Mais là aujourd'hui on mesure le succès de notre société, de nos présidents tournants et en fait même de nos vies de manière complètement différente, avec de nouveaux indicateurs qui se sont inspirés, hein, de cette comptabilité écologique. Oui, complètement. C'est-à-dire que là il s'agit non plus d'être à un point, enfin en mesurant un point de croissance ou pas, mais de mesurer en termes de est-ce que on décroît les dettes écologiques, est-ce que s'il y a du profit qui est créé, est-ce que il se fait donc avec tel niveau de dette écologique. Donc voilà, ça permet donc déjà si voilà on a cette nouvelle façon d'appréhender en fait des finalités de l'État. Et puis l'impact social aussi, hein, la bonne santé des citoyens, leur épanouissement, leur capacité à apprendre tout au long de la vie, tout ce qui fait que nos vies en fait sont vraiment remplies. Oui, complètement. Alors de toute façon, quand on parle d'écologie, c'est pas que l'environnement. L'écologie, c'est d'ailleurs basiquement c'est la science des interrelations. Donc c'est les interactions entre humains et non humains. Donc écologie, c'est vraiment dans la possibilité des êtres humains aussi d'être pris dans ce qui constitue d'ailleurs leurs bons états à eux, c'est-à-dire des états de décence physique, psychique, des états de développement. Donc oui, c'est intégrer ça. Et donc dans la dette écologique, il y a une partie de dette vis-à-vis justement de la décence, de l'intégrité, du respect, du développement, du bon développement des individus, complètement. Ouais, c'est fou, hein. Je réfléchissais à ça et à quel point cette nouvelle forme de comptabilité, elle a quand même changé énormément de choses. Parce que aujourd'hui, être comptable, c'est plus du tout, ça suscite plus du tout cet imaginaire poussiéreux qu'on prêtait au métier il y a une dizaine d'années en arrière. Je suis pas là non plus en train de dire qu'être comptable, c'est vraiment sexy, mais il y a eu cette nouvelle hiérarchisation des métiers en fonction de leur utilité et les comptables, ils sont reconnus et salués pour leur activité dans cette prise en compte du vivant et de notre impact sur le vivant. Eh ben exactement, en fait, c'est ça, la profession s'est largement renouvelée par rapport à comment elle se positionnait sur les entreprises, sur des questions écologiques, et c'est devenu en fait un acteur assez phare dans l'accompagnement justement des organisations pour savoir comment elles pouvaient mieux appréhender justement ces questions d'état écologique, comment elles pouvaient penser leur modèle d'affaires, comment elles pouvaient aussi organiser des renoncements. Et donc c'est devenu un acteur un peu central, justement réellement cet architecte. Qu'il a toujours été, mais qui là prend une dimension totalement autre et qui est révélée. Et vous, Alexandre, vous faites quoi en 2030 Glorieuse ? Bah, 2030 Glorieuse, comme tout ce qui a été préparé, conçu maintenant et complètement appliqué, je vais enfin pouvoir me consacrer par exemple, à la musique et me reposer un petit peu. La route, elle est longue, hein, on l'imagine, avant ces 2030 glorieuses. On va essayer de revenir un peu dans le présent, qui est malheureusement bien plus morose et qui est désespérant. On a aujourd'hui 1000 scientifiques qui nous disent que ça y est, c'est terminé, les 1,5 degrés, on ne pourra jamais rester dessous et qu'il faut assumer la réalité en face. Ce n'est pas évident, hein, parfois, de continuer à y croire, de se réveiller le matin avec l'envie d'agir, sans compter le quotidien qui nous reprend pour plein d'autres raisons. Du coup, ma dernière question, Alexandre, c'est les personnes qui nous ont écoutés et qui ont eu cette envie de transparence, qu'est-ce qu'elles peuvent faire à leur échelle pour les faire émerger, ces 2030 glorieuses, justement ? Je dirais, par rapport à cette question de la comptabilité écologique, c'est vraiment se saisir de façon citoyenne de la question comptable, que la question comptable, ça concerne tout le monde. C'est pas une question technique, c'est pas une simple question d'experte, d'expert. C'est une question purement citoyenne et que dès maintenant, il y a une nécessité que tout le monde puisse comprendre que la façon dont va se déployer la comptabilité socio-environnementale dans les années futures va conditionner, en fait, l'économie va conditionner la société de plus tard. Et du coup, qu'il faut dès maintenant, en fait, monter vraiment au créneau en disant non, on doit avoir des systèmes comptables qui sont alignés sur ce que les scientifiques disent. On ne peut pas simplement s'amuser à donner des prix à tout et bidouiller avec ça et avoir de la comptabilité qui ne serve que des finalités de croissance, d'actionnariat, etc., etc. Et donc là, il faut vraiment monter au créneau. C'est extrêmement important. La comptabilité, c'est vraiment une affaire citoyenne. Merci Alexandre. Merci, merci beaucoup. Et voilà, cet épisode avec Alexandre Rambaud vient de se terminer. Je sais pas franchement quelle tête vous avez fait quand vous avez vu que le nouvel épisode c'était sur la comptabilité écologique. Je suis d'ailleurs assez curieux, donc si vous voulez me faire ce retour dans les commentaires, je suis vraiment vraiment très preneur de ça, parce que c'est vrai que aujourd'hui la comptabilité, en tout cas pour moi, elle a cette image poussiéreuse, stricte, rigide, terne, et donc ça donne pas envie. Et à la fois, comme l'a très bien expliqué Alexandre, c'est essentiel en fait, parce que ça façonne notre manière de voir le monde, de l'organiser, et donc de continuer à mettre toute l'importance et la primauté sur l'activité économique qui du coup se permet de voir faire qui se permettent de faire tout passer comme des ressources et de continuer à puiser dans le vivant. Et donc la comptabilité, c'est plus qu'un outil nécessaire pour radicalement changer notre manière d'être au monde. Et j'espère que voilà, dans cet épisode, vous aurez compris ça, que du coup, dans le voyage en 2030 glorieuse aussi, vous aurez senti à quel point s'intéresser, déployer cette comptabilité écologique, ça permettrait aussi de développer et de déployer de nouveaux indicateurs qui permettraient justement de mesurer ces fameuses nouvelles abondances qu'on a envie de voir, hein, plutôt que de se dire que ça y est, les décennies à venir, ça va être que de la rigueur, de la sobriété. Économique sans doute, mais il y a tellement d'autres choses dans la vie que c'est important de le mesurer. Et puis, j'ai bien aimé aussi cette idée de, voilà, de redonner de la valeur à ces métiers qui sont vraiment utiles. Et donc, voilà, de se dire que dans 10 ans, dire dans des soirées qu'on est comptable et de le dire avec fierté et de le dire parce que voilà, on accompagne les entreprises, les structures, les associations, les organisations publiques à cette transformation écologique et que le comptable est vraiment au cœur de ces transformations. J'ai trouvé ça hyper inspirant et j'espère que ça vous a aussi plu. Merci d'avoir écouté forcément cet épisode jusqu'au bout et je vous dis donc à très vite pour un nouvel épisode. Salut! Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommencepartmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !